We'll be right back. regard et pour toujours en aller. Sa blouse de coup de cafard. Moi je meurs entre apathie et pesanteur. Je demeure. Monsieur Parker. Calmez-vous. Dirty. I can't get no Thank you. Allez.